Kalash, Kalash, Polyp, Palace. Combinaison dangereuse, on trafique les alarmes. Aka et Farage, Omega projet pharaonique, appelle-moi tout en camon. Je viens te faire découvrir le goût d'un canon. Mes casques au ballon veulent casser le cou d'un marteau. Pousser les cartes d'un balcon, le proc sous les roues d'un camion. Cocktail de testostérone, MC baisse ton surhomme. Arrête de faire ton surhomme, si tu viens test ton tsurine. Une punchline et je mets ta clique à l'hosto. Dans ma bouche, la droite à Rocky, dans la tienne, y'a la bite à Rocco. Sorti du hall où ça tise l'alcool, où ça bise la drogue. Le HF branché donc je brise la prod. Rien à voir avec tous ces attaques qui pompent. Faut une grosse Benz, même si c'est pas la taille qui compte. Pas de ces fausses racailles qui le dompent. Je dois rien à quiconque, pas le descendant de Cheetah. J'suis de la famille à King Kong, passe un bazooka. J'en veux en enfer un tas de keufs. Tu veux connaître le goût de ma bite, mais roule une belle à ta meuf. La rythme et les coups de chlasse, c'est patate à chaque strophe. 9, 5, 7, 7, au max c'est la catastrophe. On fout le spell, à Kavashnikov. Ferme ta petite gueule et mange la droite que la street dog. La rythme et les coups de chlasse, c'est patate à chaque strophe. 9, 5, 7, 7, au max c'est la catastrophe. On fout le spell, à Kavashnikov. Ferme ta petite gueule et mange la droite que la street dog. J'cours après ta côte de bœuf, surveille bien ton portefeuille. J'viens habiller le porte bleu, j'encule pris sorte feu, sorte deux. J'me propage comme une odeur de bœuf. J'compte tout cramer tant que personne stoppe ce feu. Chez nous l'attaque est très vite cérébrale. C'est Kansas City chopper comme Slevin qui les fera. J'compte plus sur spé des draps pour une poignée de pesetas. Le visage du diable doit ressembler au cul d'Electra. Dans le JK, c'est là qu'on achève les films. Pleure pas si à l'heure pas tu trouves que l'assiette est vide. Arrête tes vices, on sait très bien que la barrette est fine. Là je récidive, je connais pas un type qui achète des disques. J'envoie des punchlines sur ma tête que je vous hante. Même Superman a fini sur une chaise roulante. Je suis un gun slave, une histoire pleine de tourments. À l'heure où un jeune s'arme, l'autre devient trop gourmand. La rythme et les coups de chlasse, c'est patate à chaque strophe. 9, 5, 7, 7, au max c'est la catastrophe. On fout le spell, à Kavashnikov. Ferme ta petite gueule et mange la droite que la street dog. La rythme et les coups de chlasse, c'est patate à chaque strophe. 9, 5, 7, 7, au max c'est la catastrophe. On fout le spell, à Kavashnikov. Ferme ta petite gueule et mange la droite que la street dog. Ça va au nightclub pour vendre pépère la 16, le rap mon fight club. J'mets les MC au père la chaise, j'ai lâché les arnaques. J'veux du cash, pas tes poufs qu'ont des airbags. Donc ton rap, il va bouffer des Air Max. J'la fous carmé, la school, j'la mets. Chaque jour, la même, la school, sa mère. J'avoue, jamais, parcours d'année. Les tours, cramés, l'amour, fané. Moi et mes bougs, on veut une 4 roues de type allemande. Le tatsu de Timbaland et casser le cou d'une petite balance. Si t'espères nous la mettre, tu te fous la bite dans l'œil. Avant de mourir, il faut que je foute une femme de flic en main. J'ai un cigare de la Havane, une raison franche de pointer un missile russe sur la Maison Blanche. Appelle-moi la rafale, c'est là que tout s'agite. Chacun de mes sons tranche comme Miyamoto Musashi. La rythme et les coups de chlasse, c'est patate à chaque strophe. 9, 5, 7, 7, au max c'est la catastrophe. On fout le spell, à Kavashnikov. Ferme ta petite gueule et mange la droite que la street dog. La rythme et les coups de chlasse, c'est patate à chaque strophe. 9, 5, 7, 7, au max c'est la catastrophe. On fout le spell, à Kavashnikov. Ferme ta petite gueule et mange la droite que la street dog. MC Kalashnikov. Kalashnikov. Kalashnikov. Kalashnikov. Kalashnikov. Kalashnikov. Kalashnikov.